Souvenir d'un marchand de tableaux, chapitre 14, deuxième partie. Rome, New York, Lisbonne. En 1903, je fis une édition de l'Imitation de Jésus-Christ, illustrée par Maurice Denis. Sur un vieux Japon, devenu depuis introuvable, avaient été tirés 5 exemplaires, dont je réservais le numéro 1 pour être offert en hommage à Sa Sainteté le Pape Léon XIII. En même temps que cet exemplaire, j'avais remis au brocheur un parallèlement de Verlaine que j'avais publié quelque temps auparavant. Or, par une inadvertance où l'on serait tenté de voir une machination diabolique, un cahier du parallèlement glissa dans l'Imitation destiné au souverain pontife, et vice-versa. Le lendemain de la livraison du parallèlement, je vis arriver mon acquéreur avec son exemplaire dépareillé. Comme je voulais remettre les choses en l'état, « Ma foi, dit-il, c'est trop drôle, je garde mon exemplaire tel que. » Or, les autres Japons de l'Imitation étaient tous distribués. Je n'eus donc pas le moyen de remplacer le cahier absent. Il ne me restait plus qu'à attendre que mon bibliophile revînt à un sentiment moins fantaisiste. Cela arriva, mais après plus de 30 ans. Voulant alors se défaire de son parallèlement, il s'entendit objecter que dans l'état où il était, son livre avait perdu de sa valeur. C'est donc lui qui vint me prier de consentir à l'échange que je lui avais autrefois vainement proposé. L'exemplaire maintenant reconstitué, il ne me restait plus qu'à aller en faire hommage au successeur de Léon XIII, qui, de sa longue gestion d'une bibliothèque illustre et d'un commerce quotidien avec les livres, en a conservé et le culte et le goût. Une fois à Rome, et en l'absence de l'ambassadeur M. Charleroux, je trouvai le meilleur accueil auprès de M. le conseiller d'ambassade Jacques Truel. Celui-ci demanda pour moi au Vatican une audience que Sa Sainteté voulut bien accorder. En arrivant à Castel Gandolfo, où le pape séjournait à ce moment, je fus introduit dans une vaste salle commune où un Monsignor vint me recevoir. « Vous avez le livre ? » me demanda-t-il. Puis il me fit entrer dans une autre salle où vint me chercher un second Monsignor, qui m'introduisit finalement dans une petite pièce au mur nu, sans aucun siège. Pour tout ameublement, dans un coin, un petit bureau. L'Imitation était dans un étui qu'il m'invita à enlever. « Maraviglioso ! » s'écria-t-il en voyant la reliure. Je reconnus à ce mot la courtoisie romaine, car la reliure était de la plus grande simplicité. « Lorsque Sa Sainteté sera annoncée, me dit le prélat, vous vous mettrez à genoux et vous tendrez l'ouvrage au Saint-Père. » Debout dans l'embrasure de la porte qui faisait communiquer la pièce où je me trouvais avec les salles que j'avais traversées en venant, se tenait un superbe officier, les yeux fixés sur une porte fermée. Tout à coup, il commanda « À genoux !» J'avais eu à peine le temps d'obéir que le pape était devant moi. Ce vieillard de taille moyenne, dans son vêtement blanc, au milieu de cette médiocre pièce nue, me parut plus imposant encore que je ne me l'étais représenté dans toute la magnificence pontificale. Sa Sainteté m'invita paternellement à me relever, ce que je ne pus faire qu'aider du Monsignor qui m'avait introduit, car j'étais gêné par le livre que je continuais à tenir en main, et, dans mon embarras, je ne vis pas l'anneau que le souverain pontife tant habituellement aux pèlerins. Quand je fus debout, le Saint-Père prit le livre, et, l'ayant ouvert, « Nous sommes très sensibles à votre présent. Nous connaissions déjà cet ouvrage sous une forme, il est vrai, moins somptueuse. Mais comment, ajouta-t-il, ce magnifique exemplaire est-il parvenu entre vos mains ?»« Mais, Saint-Père, j'en suis l'éditeur, lui dis-je. » Comme les yeux de sa sainteté s'étaient portés sur le millésime du livre, « 34 ans ?» fit-il, se remémorant peut-être l'époque lointaine où il n'avait pas la lourde charge de chef de l'Église. Je m'enhardis à demander au Saint-Père la faveur, lorsque j'éditerais un ouvrage qui me semblerait digne de la Bibliothèque Vaticane, de lui en faire l'hommage. Nous sommes toujours sensibles aux beaux livres et aux bons livres, ajouta-t-il. Je me considère toujours un peu comme le bibliothécaire de l'Ambrosienne. Maintenant, je vais vous donner ma bénédiction. » J'exprimai au Saint-Père la joie que j'aurais d'avoir sa photographie signée de lui. « Vous vous adresserez pour cela à mon maître de chambre. » Puis, ce vieillard de 80 ans passés, et que je voyais droit et ferme, pendant que les journaux de Paris annonçaient qu'il était gravement malade, porta ses pas dans la salle suivante, où il bénit une dizaine d'ecclésiastiques rangés à genoux le long du mur, puis dans d'autres salles où une véritable foule de gens, appartenant aux milieux les plus divers, des ouvriers, des bourgeois, des jeunes mariés, attendaient sa bénédiction. Le maître de chambre qui accompagnait le souverain pontife revint vers moi après que le pape se fut retiré dans ses appartements. « Je viens de laisser le Saint-Père, me dit-il, avec entre les mains le livre que vous avez apporté. Maravilloso !» Et ce fut à mon tour de m'écrier « Maravilloso !» quand me fut remise la photographie du Saint-Père, où, au-dessous de sa signature, sa sainteté avait ajouté ces mots « De tout cœur !» Pendant mon trop court voyage en Italie, je visitai Rome comme on peut le faire quand on ne dispose que de quelques jours. Ce qui me frappa, ce fut l'atmosphère de sécurité où l'on se sent, l'ordre qui règne partout, la connaissance que chacun semble avoir de ce qu'il doit faire. Un détail, à Rome, nul bruit de klaxon. D'ailleurs, une contravention de 500 lire s'abattrait immédiatement sur le chauffeur qui userait de cet instrument. On s'avertit par un petit sifflement très doux, qui donne aux touristes presque l'illusion d'entendre des pépiments d'oiseaux. Autant que j'ai pu l'observer, les taxis ne sont pas d'un type récent. Et quant aux fiacres, car il y a toujours des fiacres à Rome, le cocher a, sur le devant de sa voiture, un grand et vieux parasol qu'il déploie lorsqu'il pleut ou qu'il fait du soleil. Comme je m'étonnais de ces vestiges d'autrefois, on me dit que ces antiques parapluies étaient conservés à Rome pour la couleur locale. À mon hôtel, on avait reçu pour moi différents messages des deux ambassades françaises. Les garçons d'hôtel se mirent alors à m'appeler « Monsieur le Prince ». Et quand je protestais « Je ne suis pas prince, je suis Monsieur Ambroise Vollard », ils me répondaient avec un grand salut « Oui, bien, Excellence !» Je ferai volontiers un reproche à la cuisine des grands hôtels italiens. Elle veut être plus cosmopolite que nationale. Demandant un potage minestrone, je fus regardé avec étonnement. Même à Naples, ce n'est pas sans peine que je trouvais de la soupe aux poissons. Un ami m'avait parlé d'un hôtel où le chef venait devant le client lui préparer ses spaghettis et mon interlocuteur imitait le geste de quelqu'un qui, de ses deux mains, étire des fils. Mais comme j'appris que ce chef se distinguait, en outre, par d'énormes moustaches, ornements certes virils, mais que je n'aime pas voir un cuisinier, cela m'enleva le goût d'expérimenter son tour de main. À l'ambassade de France près le Quirinal, le comte et la comtesse de Chambrun m'ont fait un accueil que je n'oublierai jamais. J'eus la chance d'y être présentée à la princesse Marthe Ruspoli, qui voulut bien me guider dans cette promenade à travers Rome. Nous la fîmes à cette heure émouvante où le jour commence à tomber. J'ai conservé un souvenir ineffable de la visite d'une très vieille église dont le cœur se pare d'une mosaïque byzantine que le sacristain dut nous faire voir à la lumière d'une bougie. Le forum, j'ai honte à l'avouer, me parut d'un intérêt assez médiocre. À côté de nous, un touriste expliquait à sa femme que c'était là que des soldats révoltés allaient exécuter leur chef Aristide, dit le Juste, lorsque la police fut mise en éveil par les cris que poussèrent les oies du Capitole. Ce raccourci d'histoire ne m'étonna pas outre mesure. Je venais de lire, dans un journal russe, qu'à un examen, un élève avait répondu que Sparte était la femme de Staline. J'étais impatient de voir au musée du Capitole le groupe de la Louve, la légendaire nourrice de Romulus et de Rémus. La bête elle-même est magnifique, mais je fus très déçu par les deux enfants, qui sont d'une facture beaucoup plus récente que leur mère nourricière. Et, comme je disais machinalement, « Pourquoi a-t-on mis à la Louve ce complément qui ne fait pas bien ?» Le gardien, qui m'avait entendu, répondit avec simplicité. « Le chef n'est plus là, sans quoi on lui aurait demandé ?» Je fus très frappé par l'aspect extérieur des thermes de Caracalla. Je ne pus y pénétrer, car lorsque j'arrivai, on fermait justement l'entrée. Mais le portier m'assura que c'était bien plus beau du dehors qu'au dedans. Ce qui m'a absolument emballé à Rome, c'est la basilique de Saint-Pierre. On se sent littéralement écrasé, plus encore par la majesté du lieu que par la masse de la prodigieuse construction architecturale, tant l'édifice donne une sensation d'extraordinaire équilibre. Cette impression de force et de grandeur de la basilique fait qu'on est à peine scandalisé par les allées et venues de tout un peuple de touristes qui se comportent dans le lieu saint comme dans un musée public, encore que des messes soient célébrées dans toutes les chapelles attenantes. Si je ne dis rien des musées de Rome, de celui du Vatican en particulier, c'est que leurs merveilles ont été tant de fois décrites. J'eus cependant l'occasion d'y constater la façon dont un certain public est initié au chef-d'œuvre. Je suivais un guide qui conduisait une famille, le père, la mère et les deux grandes filles. Il s'était arrêté devant le groupe d'Antiope. Jupiter, expliquait le guide, était très porté sur Antiope. Alors son mari, jaloux, la fit enfermer dans une tour et prit une autre épouse. « Eh bien, interrompit la femme s'adressant à son mari, qu'est-ce que Jupiter faisait pendant ce temps-là ? Demande au guide. « Je ne sais pas, fit celui-ci. Et voilà pour Jupiter et Antiope. » J'avais été impatient de voir Naples. Quand on quitte cette Rome si ordonnée, on aspire comme à un délassement au spectacle de femmes vêtues de couleurs chatoyantes, de gens qui flânent, qui dorment sur les marches de vieux palais de marbre. Enfin, j'appelai de mes voeux le traditionnel lazzarone napolitain. Eh bien, rien de tout cela. À Naples, tout le monde travaille, plus de lazzaroni. J'avais entendu vanter beaucoup la douceur, la mollesse de Capri. Je pris le bateau qui fait le service de l'île. C'est d'ailleurs une ravissante traversée. Descendu à Capri, enfin, m'écriai-je, voilà de la couleur locale, en apercevant des femmes, la tête recouverte de grands mouchoirs aux tons multicolores. Un ami qui m'accompagnait coupa net mon enthousiasme. Je les reconnais, me dit-il, ce sont les Parisiennes que j'ai vues à Cannes, où, cette année, c'est la mode de remplacer le bibi par un mouchoir sur la tête. Il est arrivé plus d'une fois à des Américains de s'étonner que je ne fusse jamais allé aux États-Unis, où je m'étais créé tant de relations et où j'étais assuré de trouver l'accueil le plus cordial. Un de ces charmants amis d'Amérique ne m'avait-il même pas dit « Quand vous débarquerez à New York, vous n'aurez qu'à crier mon nom, et immédiatement, 10 porteurs se précipiteront pour vous conduire à ma maison. » Je suis moi-même d'autant plus surpris d'avoir tant attendu pour traverser l'Atlantique que l'Amérique est liée à des souvenirs de ma plus tendre enfance. Un jour, j'avais vu une gravure représentant une magnifique calèche sur les coussins de laquelle, coiffé d'un haut de forme gris, se prélassait un imposant gentleman. D'une grande caisse placée devant lui, il tirait force jouets et les distribuait à des enfants qui se pressaient autour de la voiture. La gravure avait pour titre « Un oncle d'Amérique ». « Est-ce que tous les enfants ont un oncle d'Amérique ?» demandai-je à ma mère. « Oui, quand ils sont bien sages. » Ne voyant pas venir le mien, je pensais à part moi. « Peut-être qu'il m'attend là-bas. » Mais c'est à Paris, un demi-siècle plus tard, que mon oncle d'Amérique se révéla, sous les traits de mon confrère, M. Étienne Bignoux, qui un jour me dit « Je vais faire une exposition de Cézanne dans ma galerie de New York. Il faut que ce soit vous qui veniez l'inaugurer. » J'étais effarée à la seule perspective d'un tel déplacement, dans l'incapacité où je suis de combiner même un itinéraire de chemin de fer. Quant à ce qui est de s'orienter, au point qu'une nuit, la lumière de mon corridor s'étant éteinte, comme j'avais pénétré dans la cuisine pensant que c'était la salle à manger, j'eus toutes les peines du monde à retrouver la porte par où j'étais entrée. « Que voulez-vous qu'il vous arrive ?» me dit M. Bignoux. « Je vous prends moi-même rue de Martignac et vous pouvez compter que je vous ramènerai intact à votre point de départ. » En somme, j'étais comme le tableau qu'une compagnie d'assurance garantit de clou à clou. Je me laissais faire. Dès le soir de mon arrivée, on m'emmena à Broadway. C'est là que je vis bien ce qu'est la vie de New York. Une mêlée presque agressive de couleurs, de bruits et de mouvements, agitation frénétique de la foule, chorégraphie des annonces lumineuses qui flamboient toutes les façades. L'œil ébloui par ces soubresauts de couleurs et le tympan déchiré par les mille cris de la rue, les sirènes des pompiers et des voitures d'ambulance jetant leurs lugubres et incessantes sommations, voilà que j'entends une voix de femme qui sortait tonitruante d'un amplificateur adapté à un taxi en marche. On m'apprit que c'était les mérites d'un des candidats à la présidence des États-Unis que célébraient ces vociférations. Et, au milieu du tohu-bohu général, sans qu'on aperçût un seul agent, la circulation était réglée impeccablement par des feux verts et rouges. Le lendemain même de mon arrivée, on vint me demander une interview. On ne manqua pas de me poser une question presque rituelle en Amérique. « Combien valez-vous ? » ?»« Mon Dieu, monsieur, tout ce que je possède consiste en tableaux, dont je juge quant à moi la valeur inestimable. Mais de plus en plus, les amateurs ont voix au chapitre, une voix prépondérante. » « Eh bien, repartit mon interlocuteur, je mettrai un chiffre en rapport avec l'importance qu'on vous attribue ici. » Et, le lendemain, je pus lire dans un grand quotidien que ma collection valait 6 millions de dollars. Quand je revis l'auteur de l'article, « Eh bien, fit-il, vous avez vu mon papier ?»« Oui. Avez-vous trouvé que c'était bien comme ça ?» pendant que vous y étiez, vous auriez pu aussi bien mettre 10, 20, 30, 40. Tenez, pour faire un chiffre rond, 50 millions de dollars. Vous avez débarqué avant-hier, n'est-ce pas? Eh bien, en 48 heures, vous pouvez vous vanter d'être devenu un Américain 100%. Je devais voir, d'ailleurs, qu'un chiffre de 50 millions de dollars n'est pas toujours suffisant pour épater un Américain, même moyen. Je m'étais arrêté devant un kiosque où l'on avait affiché un journal qui donnait le portrait d'une riche héritière de Chicago, avec au-dessous le chiffre de sa dot, 45 millions de dollars. Derrière moi, un passant, qui me sembla être un garçon livreur, s'exclamait. L'ami avec qui j'étais se mit à rire en entendant les quelques paroles qu'avait laissées échapper l'homme de la rue. Comme j'interrogeais du regard mon compagnon, il dit « Comment ? Pas même 50 millions de dollars ? On croyait la demoiselle plus à son aise. » Une des premières questions qu'on me posa à mon arrivée fut celle-ci. « Que pensez-vous de la femme américaine ?» Je répondis qu'elle était ravissante. « Laquelle trouvez-vous la plus jolie, la française ou l'américaine ?»« Lorsque je vois une américaine, je trouve que c'est elle la plus jolie. Mais si je suis devant une française, je trouve aussi que c'est la plus jolie. Et alors, monsieur, si vous vous trouviez en même temps devant une femme américaine et une femme française ?»« Eh bien, je ne ferais pas comme Paris, je partagerais la pomme entre les deux. » »« Avez-vous visité le zoo ?» s'enquit le même journaliste. « Oui, j'y ai remarqué un ours que je n'aimerais pas rencontrer au coin d'un bois. Et les petits écureuils ? Il n'y a rien de plus gracieux. » Or, l'intervieweur, dans son journal, résuma ainsi la conversation. « Monsieur Vollard admire les femmes américaines, mais il leur préfère les petits écureuils. » Dans une autre interview, on me demanda « Combien votre maison a-t-elle d'étages ? Deux étages. Deux étages ? Ça n'a pas cours en Amérique. Nous disons donc cinq étages, bourrés de chefs-d'œuvre. Vous avez découvert Cézanne, Renoir, Degas ? Vous n'y pensez pas. En 1876, alors que j'étais à moins de 10 ans dans mon île lointaine de La Réunion, M. Choquet, avec quelques autres, découvrait Cézanne. Et quant à Degas et Renoir, dès avant 1876, les Durand-Ruel, les Mary Cassatt, les Théodore Duré, les Duranty, etc., les avaient mis à l'honneur. « Si, si, reprenait mon interlocuteur, c'est vous qui avez découvert Degas, Cézanne, Renoir. » Ce que, par exemple, je ne pouvais pas contester, c'est que c'est moi qui avais fait la première exposition de Cézanne. Et, puisque le maître d'Aix passait pour avoir apporté la liberté en peinture, je finis, de grossissement en grossissement, par être substitué au peintre. Et c'est ainsi que je devais, faisant une conférence, entendre le président de la Réunion dire qu'avec la venue de M. Vollard, l'Amérique avait senti passer sur elle un souffle de liberté. Quelle ne fut pas la stupéfaction de ceux qui se trouvaient là quand je déballai mes valises, en y voyant deux boîtes d'allumettes françaises que j'apportais dans un pays où les allumettes sont en distribution gratuite sur toutes les tables. Je dois avouer que c'est moi qui avais recommandé à ma femme de chambre de ne pas oublier cette précaution. Les gratte-ciel de New York, tellement élevés que l'on ne peut en apercevoir que difficilement le fait, présente les formes les plus inattendues. L'un est surmonté d'une copie du Beffroi d'Ypres, un autre de la chapelle de Versailles avec ses vases Louis XIV. Je me souviens d'un de ces buildings, au sommet duquel est installée une croix de la Légion d'honneur proportionnée à la hauteur de l'édifice. C'était pour faire savoir aux passants que le propriétaire était décoré. J'ai dit que ces gratte-ciel présentaient les formes les plus inattendues, un mélange de tous les styles. Le gothique, la Renaissance et le genre caserne se dressent côte à côte. Mais, une fois éclairés, tous ces édifices font songer au gâteau de cire des abeilles et dont chaque alvéole, au lieu de miel, aurait reçu une goutte d'électricité. Il en résulte un ensemble d'un effet puissant. Et toutes ces constructions disparates finissent par donner, vues en masse, l'impression d'un style, un style sans précédent, peut-être précurseur, et qui fait en tout cas de New York une ville unique au monde. Harlem. Des amis m'avaient conduit dans un restaurant de la Cité des Noirs. Après le dîner, nous étions restés dans la salle à manger pour écouter les pronostics de la radio sur l'élection présidentielle. Par la porte de la cuisine, on voyait une servante qui plumait une volaille. Elle était coiffée d'un de ces bonnets en papier dont on se pare au carnaval. Le nègre qui nous avait servi s'approcha d'elle et lui mit sur les épaules un tablier pour la préserver d'un courant d'air. Puis, le volatile une fois plumé, les deux noirs s'embrassèrent sur la bouche presque religieusement et vinrent danser dans la salle à manger la danse qu'on me dit s'appeler tendresse et où l'on est front contre front. Tout en dansant, ils se parlaient et devaient se dire des choses passionnées car leurs yeux brillaient étrangement. Mais leurs visages restaient immobiles comme des faces de bronze. En réalité, cette impassibilité est le masque du tempérament le plus frénétique, toujours prêt à se manifester. Un remue-ménage s'étant produit dans la cuisine, les deux noirs s'élancèrent et nous les vîmes secoués par un rire convulsif. Un poulet s'était échappé de son cageot et, poursuivi par le chat, s'était réfugié dans une casserole. Après le dîner, nous allâmes voir une revue nègre. Sale vagramme, j'en avais vu une qui faisait courir tout Paris, mais cela ne ressemblait en rien à cette exaltation qui soulevait rythmiquement les acteurs nègres de Harlem et dont le paroxysme était, à lui seul, pathétique. Mes compagnons m'apprirent que cette même troupe de Harlem venait de donner une série de représentations de Macbeth. Comme j'aurais été curieux de voir cela. Une des caractéristiques de l'Américain, c'est la large hospitalité qu'on reçoit chez lui. Dans la rue, vous vous sentez isolé, comme si chacun des passants était à l'antipode de vous-même. Mais aussitôt qu'on a été accueilli dans le home américain, on se sent comme chez soi. Chose amusante, c'est en Amérique que j'ai bu, pour la première fois, un whisky, comme c'est en Angleterre, patrie du whisky, que j'ai bu mon premier cocktail. J'avoue qu'après ces deux expériences, je m'en suis tenu là. Mon ami Bignou m'avait mené voir un film dont l'héroïne était une femme ravissante. Et quelle voix! Je demandais si ce film avait des chances d'être donné à Paris. « Mais, me répondit-on, c'est une adaptation américaine d'un film français ?»« Et cette admirable créature, demandai-je, c'est pourtant bien une star américaine ?»« Une star américaine ? Mais c'est Miss Tinguette !» Tout, d'ailleurs, était étonnement pour moi. J'avais vu au cinéma, sous le titre « Vieille pierre », des monuments d'une beauté sans pareille. Distinguant mal de loin, je ne pouvais lire les titres mis sous chaque monument. Mais mon admiration fut telle qu'après la représentation, je voulus savoir dans quel pays se trouvaient de pareilles merveilles. On me répondit, « Ce sont les églises de Paris ?» J'étais dans un café avec un jeune Américain, quand tout à coup celui-ci, « Une minute !» me dit-il. Et, me quittant, il se précipita vers une auto qui stationnait contre le trottoir. Une conversation animée parut s'engager entre lui et l'occupant de l'auto. Quand mon compagnon revint, « Oh, c'est un homme qui a eu bien des malheurs, » me dit-il. « Il sort de prison pour la seconde fois. » Et de me donner les détails les plus intimes sur la vie du nouveau libéré. « C'est un ami d'enfance que vous avez retrouvé ?»« Non, c'est la première fois que je le vois. J'avais aperçu un très beau chien sur le devant de l'auto. » Et j'étais allée lui demander où il se l'était procuré. Dites-moi donc, alors les gens que vous voyez tous les jours, vous devez en savoir des choses sur eux. Oh, pas du tout. Vous comprenez, quand on se connaît, on se méfie, on ne se raconte rien. Le propriétaire du chien est simplement de passage à New York. Voilà pourquoi il m'a raconté toute son histoire. Je ne suis pas près d'oublier le spectacle impressionnant qui s'offre aux yeux. Soit qu'on arrive en vue de New York, soit qu'au départ, le bateau passe comme la revue de tous ces énormes cubes de pierre qui évoquent une activité de géant. Ville de titans, en effet. J'en citerai une preuve saisissante. New York tendait à se développer dans une certaine direction. Ce mouvement d'extension fut arrêté net par la volonté d'un seul homme dont il contrariait les desseins, M. Rockefeller. C'est bien simple, avait dit le roi du pétrole. J'achète des terrains dans le centre. Je bâtis dessus des buildings à bon marché. Il le fit, et, comme par de puissantes ventouses, les extensionnistes furent aspirés. Je m'extasiais devant le spectacle prodigieux que donne ce centre Rockefeller, fit l'ami américain qui me servait de guide. C'est déjà vieux de 4 ans. Aujourd'hui, on ferait plus moderne. Une chose m'intriguait, la longue vue que mon compagnon portait en bandoulière. À un moment donné, il s'arrête et inspecte les fenêtres d'une maison devant laquelle nous passions. « Ah ! S'écria-t-il, ma voiture est prête, je distingue son numéro. » Il me passa sa lunette et j'aperçus à l'une des fenêtres du 53e étage un magasin de carrosserie où une auto était exposée. J'étais très attirée par un gratte-ciel qui dominait tous les autres. « J'aimerais bien monter jusqu'en haut, » dis-je à mon guide. « Ça doit bien avoir dans les 150 étages. » « La plus haute maison de New York, » m'avoua-t-il, « n'a que 82 étages, et on ne paraît pas prendre le chemin d'en construire de plus élevés. » « Combien faut-il de temps, » m'informai-je, « pour grimper aussi haut ?»« 1 seconde par étage, » fit mon guide. « Mais les ingénieurs disent que par la suite, on pourra réduire la durée de l'ascension. » Comme nous revenions vers le port, « C'est joliment impressionnant, toute cette forêt de buildings, n'est-ce pas ?» fit mon compagnon. « Oui, cela me fait éprouver un petit pincement au creux de l'estomac, un peu comme lorsque je me trouve devant un arbre géant. Qu'est-ce que ça peut valoir, le plus grand arbre du monde ?»« Mon Dieu, répondis-je, je ne sais pas. Peut-être dans les $1000 ?»« Et vous osez comparer, monsieur, une chose de $1000 avec une maison qui en a coûté plus de 50 millions ?» Mais tout de même, quand on se trouve devant des arbres d'une hauteur gigantesque, est-ce que vous ne les admirez pas ? Mon Dieu, monsieur, je n'ai pas affaire à des arbres, moi. C'est du business de marchand de bois. Je voulais pouvoir me vanter d'être monté dans le plus haut building, mais la personne qui avait la charge de ma sécurité avait toujours remis à plus tard de me permettre cette fantaisie. « Eh bien, me dit enfin mon mentor, la veille de mon départ. Maintenant, vous pouvez monter aussi haut que vous voudrez. »« Ah, et pourquoi le puis-je seulement aujourd'hui ?»« Mais parce que vous avez terminé vos conférences. » Et, comme je l'interrogeais du regard, ne voyant aucun rapport entre une conférence et l'ascension d'un building, « Il y a eu l'autre jour, continua-t-il, un vieux monsieur dont le cœur s'est arrêté pendant la montée. » « Et quand le cœur s'arrête ?» demandai-je naïvement. « Eh bien, on meurt, monsieur. Vous voyez qu'il était plus prudent d'attendre que vous eussiez achevé votre programme. » Ce qui confond en Amérique, c'est la présentation des objets les plus rares dans des salles du goût le plus étrange, comme cette maison que je visitais et où chaque pièce est d'un style différent. La pièce gothique, la pièce empire, la pièce renaissance, etc., etc. Et au tournant d'un escalier, on tombe sur le plus beau Renoir. Cette bizarre présentation, ce n'est pas au docteur Barnes qu'il faudrait la reprocher avec sa 100aine de Cézanne et ses 200 Renoirs. Tout ce qui touche à la conservation de ces merveilles a été prévu. Notamment ce dont n'a voulu se soucier jusqu'à présent aucun musée, soit français, soit étranger, je veux dire un système de chauffage qui maintienne partout une température égale. Une visite au musée Barnes vaut, à elle seule, le voyage d'Amérique. Mais il est prudent de ne s'embarquer qu'ayant dans sa poche une autorisation du mécène. Ni le rang, ni la classe sociale ne trouvent grâce devant lui. Certains directeurs de musées, notamment, pour avoir, il y a 25 ans, repoussé les Cézanne et les Renoir dont il voulait leur faire don. On raconte que Mrs. R. s'est vue elle-même refuser l'accès de la fondation pour n'avoir pas, au temps où c'était méritoire, affirmé sa foi en Renoir, en Cézanne et autres modernes. On conçoit l'empressement mis à solliciter une admission qui est un brevet de goût. L'avant-veille de ma conférence à la Fondation, je pus entendre M. Bignou demander au téléphone à un amateur habitant Detroit s'il comptait venir bientôt à New York. « Impossible avant 2 ou 3 mois, lui fut-il répondu. « C'est que dimanche prochain, reprit M. Bignou, je suis autorisé par le docteur Barnes à amener quelques personnes à la Fondation à l'occasion d'une conférence que fera M. Vollard. Voir les Cézanne et les Renoir de Barnes? Oh, ce n'est que 3 000 kilomètres aller-retour à faire. Je lâche tout et j'arrive. » Pendant que j'étais chez M. Barnes, je fis une chute du haut d'un perron et c'est miracle que je ne me sois pas fracturé quelques membres. « Ah, Vollard, s'écria mon hôte quand on m'eut relevé. « Si vous vous étiez tué, je vous aurais fait enterrer au milieu de la Fondation. » Deux scholars qui l'avaient entendu s'approchèrent de moi quelques instants après. « Monsieur, me dit l'un d'eux, nous discutions, mon ami et moi, sur la place que vous choisiriez ici, si vous deviez y être enterré. Mon ami disait que ce serait certainement au pied des grands baigneurs de Cézanne. Moi, je penchais pour les joueurs de cartes. Je lui répondis que, pour le moment, je ne me sentais aucune disposition à choisir. » Je descendais le quiado de Lisbonne lorsque je m'entendis interpeller. « Comment, monsieur Vollard, vous ici ?» Moi-même, je n'étais pas le moins étonné de me trouver si loin de Paris, étant donné cette horreur que j'ai du moindre déplacement. La vérité est que j'avais cherché dans un voyage un dérivatif au commun souci de l'heure. Jusqu'alors, au milieu des craintes de toutes sortes qui agitaient le monde, je vivais dans une quiétude parfaite depuis que la Société des Nations garantissait notre salut. Mais voilà qu'assistant à une conférence où l'éminent homme d'État grec, M. Politis, venait de démontrer qu'avec les engagements pris par les États de ne plus s'attaquer, toute guerre devenait impossible, je vois se lever une bonne femme, entrer là avec son filet de ménagère. « Mais, monsieur le Président, si, après un arrangement comme vous dites, un pays lançait ses avions sur un autre, eh bien ?»« Votre objection, madame, répondit M. Politis, nous nous la sommes faite à nous-mêmes. Aussi, pour parer à toute éventualité, avons-nous créé, au sein de la SDN, une sous-commission de désarmement moral. » Le désarmement moral. Du coup, toutes mes illusions s'envolèrent et je me sentis envahi par un cafard fou. C'est alors que, rencontrant le prince Robert de Breuil, « Je vais, me dit-il, passer les vacances de Pâques avec ma femme dans son pays. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec nous au Portugal ?» Le surlendemain, nous prenions ensemble le chemin de fer pour Lisbonne. Après avoir traversé les plaines arides et désolées de l'Espagne, nous arrivons dans un pays où tout est verdure. J'étais en Portugal. Qu'on n'attende pas de moi la description ni des belles rizières sur les bords du Mondego, ni des forêts du Bussaco, ni du splendide Tage fertilisant les prairies où paissent les taureaux promis aux arènes du Campo Pequeño. Pas davantage je ne décrirai les admirables excursions qui sollicitent le voyageur à la sortie de Lisbonne. Ce Cascaès appelé Bouche de l'Enfer, avec ses rochers où la mer s'engouffre dans un bruit de tonnerre. Ni ce Sintra, semé de cascades et de bassins, ni de verdure où les camélias, les fougères sont de véritables arbres. Ni ces extraordinaires couvents qui attestent la foi si profonde du Portugal, les couvents de Mafra, de Bataya, de Tomar. De même, je ne dirai rien du musée aux primitifs fameux, dans la salle des carrosses, ni enfin des églises. Tout cela a été abondamment décrit dans les livres sur le Portugal. Je retiendrai seulement ici l'impression que j'éprouvais en contemplant, de la colline de Santa Lucia, par un clair de lune, Lisbonne s'étalant par étages jusqu'au fleuve endormi et dont la vie nocturne nous venait, en rumeurs indistinctes, couper des appels stridents des coqs. Qu'il me soit aussi permis d'évoquer ce charme particulier du Portugal, l'incomparable beauté de ses fleurs et de ses fruits, son ciel d'un bleu immuable, cette intimité si accueillante que l'on trouve dans les familles du pays, tout ce qui rappelle en un mot cette douceur de vivre de l'ancienne France, dont Talleyrand gardait le souvenir mélancolique. J'assistais chez mes hôtes, dans la chapelle de leur palacio d'Arrosa, à une messe de Pâques dont le cérémonial est particulier au Portugal. Première originalité, la messe était célébrée d'un salut, avec procession du Saint-Sacrement. On voyait l'officiant sous un somptueux parasol, lequel, par privilège héréditaire dans la famille, était, ce jour-là, en l'absence du châtelain, porté par son fils aîné, revêtu d'une cape de pourpre. D'autre part, j'avais remarqué la présence dans le chœur d'un assistant revêtu d'un costume d'un rouge écarlate. Moi, que les beaux uniformes ont toujours impressionné, je regardais avec envie l'homme que je prenais pour un éminent dignitaire ecclésiastique. Mais on m'expliqua qu'il s'agissait d'un impie, redevenu chrétien, qui était honoré ainsi publiquement. Autre particularité notable, pendant que la messe était dite en latin par le prêtre, les fidèles la récitaient à voix haute en portugais. Cette liturgie, d'un caractère si populaire, me faisait penser à ce tableau de Carpaccio à Venise, qui avait tant frappé Renoir, et où l'on voit saint Paul prêchant et baptisant au milieu du tumulte de la place publique. Lisbonne est une des villes les plus propres que l'on puisse voir. Madame Blanche Vogt a rapporté qu'un Portugais qui l'accompagnait crachait tout le temps par terre, et elle en avait conclu que les Portugais passent leur temps à cracher. Un jour, j'aperçus un homme qui, tout en gesticulant, lançait des jets de salive. Je me dis « Ah, voilà le Portugais de Madame Blanche Vogt !» Mais c'était un Français. Dans les quartiers populeux de Lisbonne, on se croirait dans une de nos petites villes du Midi, où le passant, indolent, marche au milieu de la chaussée, si bien que les chauffeurs lisboniens ont pris l'habitude insupportable de corner sans répit. Dans les grandes artères, à côté des agents habillés sur le modèle des bobbies anglais, on en voit d'autres qui, au lieu du magnifique casque blanc, portent une sorte de shako verdâtre qui leur fait un peu une tête de batracien. On m'apprit que ces espèces de sous-agents étaient des chômeurs, car au Portugal, les chômeurs sont astreints à travailler. Il n'y a vraiment que les mendiants que l'on ne force pas au travail. On serait tenté de croire que c'est pour la couleur locale, tant ils ressemblent à tes personnages de musée. Ils ont un si grand air que, lorsqu'ils tendent le chapeau, on se retient pour ne pas dire, en leur faisant l'aumône, « Gracias, Seigneur !» J'étais entré chez un petit détaillant pour acheter des cartes postales. « Eh bien, ça va, les affaires ?»« Oui, depuis Salazar. Avant, très mauvais. Ah, vous avez de la chance d'avoir ce gouvernement. » Non, Seigneur, très mécontent du gouvernement. Mais s'il partait, très mauvais. Vous comprenez, avant Salazar, j'avais peu d'impôts, mais pas d'argent pour les payer. Aujourd'hui, beaucoup d'impôts, mais je peux les payer. Et en plus, mon porte-monnaie se remplit. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez à Salazar? C'est de s'appeler dictateur. Moi, je suis républicain. En Russie, le chef, tout le monde l'appelle camarade. Et mon homme avançait une lèvre gourmande en savourant par avance le bonheur d'avoir un chef camarade. Je m'abstins de lui apprendre que ce chef camarade faisait en cinq secs décerveler les autres camarades. Je songeai, à part moi, à cette vieille légende d'une famille d'escargots habitant les ruines d'un château et dont les jeunes disaient à l'aïeul « Quand donc reviendra le maître du château ? Et quand, nous aussi, comme nous avons entendu dire qu'on faisait autrefois, lui serons-nous présentés sur un plat d'argent, dans un beau costume de beurre et de persil ?»